Exercice 9, page 56. A. Tu es guéri? Transformé. T'es guéri? B. Tu es parti? Transformé. T'es parti? C. Tu es sorti? Transformé. T'es sorti? D. Tu as maigri? Transformé. T'as maigri? E. Tu as menti? Transformé. T'as menti? F. Tu as dormi? Transformé. T'as dormi?